Matthieu chapitre 10. Ne tu que sont assez braves pour me dire c'est quoi le but de Matthieu avec son évangile? Voilà, il y avait les deux extrêmes. On veut démontrer que Matthieu l'a démontré aux gens, aux Juifs, que Jésus était le Messie attendu, le roi des Juifs qui devait venir et commencer un nouveau royaume. Donc, c'est son but. Et pour faire cela, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre des passages de l'Ancien Testament, des promesses qui avaient été dites à Israël. Voici ce que le Messie va faire. Et Jésus accomplit ces choses-là. Donc, Matthieu dit, voici ce que Isaïe avait dit, ce que Jérémie avait dit, ce que Daniel avait dit. Jésus l'a accompli. N'est-ce pas le Messie? Et on a vu ensemble qu'il y en a à peu près, il me semble que c'est 23 ou 25 de ces choses-là qui est marqué. Si vous voulez, une fois, prenez un crayon, puis dans votre Bible, soulignez, si vous êtes de ceux qui écrivez dans votre Bible, ainsi s'accomplit, ainsi s'accomplit, ainsi comme il était écrit. Et là, il va dire 25 fois de suite sur 28 chapitres. Il a accompli les Écritures. Automatiquement, c'est lui le Messie. Donc, le but, nous, quand nous lisons Matthieu, c'est cela. Et je vous dirais, si vous rencontrez un juif, c'est peut-être le meilleur évangile à utiliser avec lui. Voici ce que Jésus a fait, le Jésus Nazareth que je veux te présenter, c'est lui qui a accompli les prophéties de l'Ancien Testament que tu lis tous les jours. C'est lui qui les a accomplies. Je ne suis pas sûr qu'il va le lire, mais c'est peut-être la meilleure façon de l'utiliser pour lui. Jésus veut commencer ce royaume, parce que quand le roi arrive, c'est parce que le roi va commencer son royaume. Il veut commencer un royaume où est-ce qu'il va établir la royauté de Dieu. Dieu veut venir régner sur son peuple. Il ne veut pas commencer le ciel pour que les gens se sentent bien. Il veut en commencer le royaume de Dieu. Il veut que tous ces rebelles qui sont là, tous ces gens qui n'obéissent pas à Dieu, tous ces gens qui ne vivent pas pour Dieu, qui ne servent pas Dieu, il veut les emmener à venir faire partie du royaume de Dieu et de servir Dieu. Et que si on comprendrait ça mieux, la vie chrétienne sera plus facile à vivre pour nous. Nous avons été appelés à rentrer dans le royaume pour venir servir quelqu'un. Pas pour se faire servir par ce quelqu'un-là, mais pour servir quelqu'un. Combien de gens que j'ai connus depuis que je suis dans l'œuvre du ministère, qui sont partis des églises parce qu'ils ne se font pas servir, ils ne reçoivent pas ce qu'ils voudraient recevoir de la part de Dieu. Et ils s'en vont. Mais si nous venons à Dieu pour le servir, il y aura toujours de la place à servir. Toujours de la place à servir. Et Jésus, il veut commencer son royaume, mais dans ce royaume-là, on a vu dans Isaïe, dans ce royaume-là qu'il va commencer, c'est pas tout le monde qui peut rentrer là, dans ce royaume-là. Il lui-même a dit qu'il y en a peu, il n'y a pas beaucoup qui vont rentrer. Beaucoup d'appelés, peu d'élus, pas beaucoup qui vont rentrer. Ceux qui rentrent sont des grands privilégiés. Et Jésus sait très bien que tous ceux qui sont là en Israël, puis là on peut nous autres extrapoler puis dire toute la terre ne mérite pas d'entrer. Il faut que ces gens-là aient le cœur contrit. On a vu ça tout à l'heure, le cœur contrit, il faut qu'ils s'humilient. C'est pour ça que Jean-Baptiste est venu 6 mois avant Jésus, puis il leur a dit « Repentez-vous! » Préparez le chemin du roi, il arrive. Si vous ne faites pas ça, le roi vient avec une épée, puis vous mourrez. Reste clair le message. Si vous ne vous repentez pas, le message, Jésus, il ne va pas vous sauver, il va venir avec une épée, puis vous allez mourir. Mais si vous vous repentez, il va vous accepter dans le royaume. Mais Jésus voit très bien qu'ils sont complètement aveugles. Ils sont complètement aveugles. Ils ne voient pas, ils ne comprennent pas. Donc, pendant son ministère, pendant 3 ans, il va essayer de les réveiller, si je peux dire comme cela. Il va leur montrer qui il est, qu'est-ce qu'il est capable de faire et pourquoi il est là. Et pendant 3 ans, il va agir avec compassion. Il va agir avec compassion envers ce peuple rebelle. Pendant 3 ans, il va manifester sa bonté, son amour, sa miséricorde à ce peuple-là, afin qu'ils comprennent que Dieu est prêt à leur pardonner malgré tout ce qu'ils ont fait. Parce que je crois personnellement qu'une des grandes raisons que les gens ne veulent pas se convertir, c'est qu'ils ne croient pas que Dieu peut leur pardonner leur péché. C'est pour ça qu'ils disent si fort qu'ils n'en ont pas fait. Je ne fais pas de mal à personne, moi. Je suis un bon gars. Pourquoi? Ils ont peur. Ils ont peur que s'ils disent « Je suis un pécheur qui va aller en enfer », ils ont peur que Dieu ne les accepte pas. Ils ont peur que Dieu ne leur pardonne pas. Jésus, dans sa compassion, va agir pour les amener à croire qu'il est prêt à faire cela pour eux. On a vu ensemble le verset qui gère chapitre 8, 9 et 10, c'est ce verset-là ici. « Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Il guérit tous les malades afin, voyez-vous le morceau que je dis tout à l'heure, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète Isaïe. Il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. » Tous ces miracles qu'il a faits, c'était pour démontrer qu'il était en train d'accomplir ce qu'Isaïe avait dit. Le Messie va se charger de nos maladies, de nos infirmités. Donc, il guérit. Quand il guérit, il ne fait pas juste faire disparaître. Il se charge. C'est bien différent. C'est bien différent. S'arrêter, vous avez trouvé ça déjà fantastique, qu'il les fait disparaître. Mais je trouve ça encore beaucoup plus grand qu'il s'en est chargé. Et Jésus fait des miracles ici, fait des miracles ici, mais il sait très bien qu'il va payer pour tout à l'heure. Il va payer tout à l'heure pour ça. Parce que ces miracles-là, il les a pas fait, puis il n'a pas fait disparaître le péché. Puis, hop, c'est pas grave, les péchés sont partis, pas grave. Non, non, il sait très bien qu'il va les porter tout à l'heure, lui-là. Je guéris, je vais payer pour. C'est ce que fait qu'on ne réalise pas. On ne réalise pas que Jésus, pendant qu'il faisait tous ces miracles-là, il se chargeait de maladies et d'infirmités. Il se chargeait de ces péchés-là. Pour un jour, finir par les payer, et ça va lui donner la mort. Ce matin, on va continuer ensemble à lire cette compassion-là, à voir comment il a montré sa compassion. Et il va montrer sa compassion pour amener les gens à la foi. Il montre sa compassion pour fortifier la foi de ceux qui l'ont. Et il montre sa compassion pour qu'ils finissent par croire qu'il est le Messie. C'est ce qui est le plus important. Parce que jusqu'au point où la personne ne croit pas que Jésus est son sauveur personnel, ça ne sert à rien. Ils peuvent mourir en santé, mais ils vont mourir et ils ne vont pas aller avec Dieu. Tant ils n'ont pas accepté que Jésus est le Messie, on n'a pas fait le travail qui devait être fait. On a vu ensemble que, je vais juste les lire pour qu'on puisse les voir, pour montrer sa compassion, Jésus a fait des guérisons, il a fait des miracles, il a chassé les démons, il a pardonné les péchés, il a changé les vies de méchante à une vie meilleure. Meilleure, pas dans le sens de sainteté, qui sont capables de faire aucun péché, mais meilleure parce qu'ils se sont repentis et qu'ils glorifient Dieu maintenant. En changeant la tristesse en joie, les gens vivent, et ces gens-là vivent une vie de péché, donc ils sont malheureux. Il dit, moi je vais changer ça, pendant que je suis avec vous autres, vous allez devenir joyeux, vous allez être dans la joie. Et en faisant des merveilles, on a vu ça ensemble, qu'il a fait des merveilles devant eux, comme arrêter le vent, calmer la tempête, de faire toutes sortes de merveilles devant eux autres, afin de les convaincre qu'il était le Messie. Et ce matin, nous allons voir le dernier, chapitre 9, verset 35. Chapitre 9, verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Il guérissait toute maladie, toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Jésus parcourt les villes de Jérusalem, d'Israël, et il voit l'état moral et spirituel du peuple de Dieu, de son peuple à lui. Il les voit comme étant abattus, des gens découragés, des brebis sans berger. Et il veut faire de quoi pour ça? Parce que la compassion passe toujours à l'action. Toujours à l'action. Il y a de la compassion, il va faire de quoi pour ça? Premièrement, il dit à ses disciples, « Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. » C'est la première chose qu'il va faire. Il veut se multiplier. Jésus veut atteindre le monde entier. Puis il sait bien qu'il va mourir dans les semaines qui viennent. Il sait ça. Il sait qu'il ne va aller jamais en dehors des frontières d'Israël. Mais lui, il veut atteindre le monde avec l'Évangile. Donc, il dit à Dieu, à ses disciples, « Priez le maître de la moisson, qui est Dieu, d'envoyer des ouvriers dans la moisson. » Oh, je vous dis qu'il en a envoyé. Des millions. Il y a des millions de gens aujourd'hui dans le monde qui prêchent l'Évangile. Des millions qui ont répondu à cet appel-là, qui ont prié, « Seigneur, envoie des ouvriers dans la moisson. » Et quand tu pries ça, automatiquement, qu'est-ce qui t'arrive? Tu y vas. Tu y vas toi aussi. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas dire, « Allez, éteigne le feu, allez, éteigne le feu, allez, éteigne le feu. » Mais moi, je n'irai pas, je n'ai pas le temps. Je travaille trop, je n'ai pas le temps. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Quand on crie au feu, on devrait avoir le chaleur d'eau à la main et partir à courir nous autres aussi, n'est-ce pas? Là, on va convaincre les gens que le feu est bien pris. Mais si tu restes assis dans ton fauteuil, tu dis au feu, ils vont dire il n'y a pas de feu parce qu'il ne bouge même pas lui-même. Mais quand on dit au feu, puis qu'on court avec nos chaleurs d'eau, les gens vont croire que le feu est pris. Et Jésus ici dit, priez le maître de la moisson qui envoie d'autres personnes comme moi, d'autres gens comme moi, pour aller prêcher la bonne nouvelle à la terre entière. Et qu'ils finissent par croire que je suis le Messie, et qu'ils veulent se convertir, et que je vais les guérir. Et les disciples, on a ouvert au verset 1, et puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Là, il les nomme jusqu'au verset 3, jusqu'au verset 4. Et il les envoie, mais pour continuer à montrer sa compassion, il leur donne des pouvoirs. Il leur donne des pouvoirs. Pouvoir de chasser les démons et de guérir toute maladie, toute infirmité. Et si vous voulez voir, allez voir dans leur vie et dans les actes des apôtres, ils vont faire la même chose. Ils vont chasser des démons, ils vont faire des miracles, ils vont propager la compassion du Seigneur Jésus pour eux. Et marquez bien ici, tu en as choisi 12. Il n'a pas donné ces pouvoirs-là à tout le monde. C'est intéressant de comprendre ça. Il a limité ces pouvoirs-là aux 12. À d'autres places, il donne à 70. Mais il ne dit pas à toutes ces foules-là, des dizaines de milliers de personnes, « Je vous donne tous les pouvoirs, là. Allez-y tout le monde! » Non, c'est à tous des disciples, ça. Mais il les donnait aux 12. Et on a vu la semaine passée ensemble, il y a quelques temps, en tout cas, je ne sais pas c'est quand, la dernière fois qu'on a prêché. Il nous donne aussi le pouvoir à nous. Le pouvoir qu'il nous a donné, c'est quoi? Et qu'est-ce qu'il dit à ses 12 avant de partir? Allez à Jérusalem, restez là un petit peu. Vous allez recevoir un pouvoir ou une puissance. Qui est quoi? Le Saint-Esprit. Il va venir sur vous et après ça, vous serez mes témoins dans le monde entier. Et ce pouvoir-là, chacun de nous, on l'a reçu en tant qu'enfant de Dieu. On reçoit, quand on se repent et qu'on se convertit, qu'on se fait baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, dans acte 2, il dit, repentez-vous, faites-vous baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, et vous allez recevoir le don du Saint-Esprit. ils allaient pouvoir aller prêcher la bonne nouvelle de Dieu avec ça. Le seul pouvoir qu'on a besoin, c'est ça. Aujourd'hui, c'est ça. Et c'est assez. On garantit que c'est assez. Combien de pouvoir on a? On a la puissance de Dieu complète. 100% de la puissance de Dieu habite dans nos cœurs. On a la puissance de Dieu en nous. Le Saint-Esprit est en nous. Il ne faut jamais dire qu'on n'a pas assez de puissance. On en a la puissance. On a la puissance pour le faire, le travail. Tout le monde l'a. Tout le monde l'a égal. Tout le monde l'a sans exception. Et ne croyez pas que vous pouvez l'arrêter. Si vous êtes un enfant de Dieu et que la puissance de Dieu habite en vous, vous allez le faire. Vous n'êtes pas plus fort que lui. Vous n'êtes pas plus fort que le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on a l'assurance de notre salut. C'est pour ça qu'on est sûr que ça va se passer, cette affaire-là. Parce qu'on a une puissance qui est plus forte que nous. Si on serait plus fort que l'Esprit de Dieu qui est en nous, on aurait peur. On aurait peur d'aller plus par-dessus lui, puis de l'éteindre, puis de fermer, puis de tais-toi. Puis moi, je vais prendre le dessus, puis je vais faire ma vie. On aurait peur d'être capable de faire ça. Mais on n'est même pas capable de faire ça. Va peut-être trop vite, là, hein? Wow! Là, je l'ai dit un bout de vite, là. Excuse-moi, Rebecca. Comment t'as salive par la question? On prend une petite goutte d'eau. Ceux qui écoutent vont savoir qu'est-ce qui se passe. On a le pouvoir. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Maintenant, on va continuer avec ce qu'on a, on est rendu. Mais avant qu'ils partent, avant que les 12 partent, il va leur dire comment faire cela. Il va les envoyer parmi le peuple d'Israël. Il va leur dire comment faire. Il va leur donner des principes absolus. Pas des méthodes. Quand vous savez que vous allez... Souvent, j'en ai pris des cours d'évangélisation, puis on me donnait des méthodes. J'en veux pas de méthode, j'ai les miennes. Je veux des principes absolus qui vont gérer mes méthodes, qui vont être capables de me faire utiliser mes méthodes comme il faut. Mais vous pouvez avoir vos propres méthodes qui vont refléter votre personnalité, vos dons, votre éducation, votre âge. Prenez vos méthodes. Vous n'avez pas besoin des miennes. Mais il va donner ici des principes absolus qu'il nous faut utiliser. Il nous faut les utiliser, ceux-là, à travers nos méthodes. Verset 5. Première chose qu'il va dire, « Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. N'allez pas vers les païens, n'entrez pas vers les villes des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. » Donc ici, il limite. Il leur dit à eux, quoi? Sortez pas d'Israël. Restez à l'intérieur. Vous savez qu'à la fin, au chapitre 28, si on aurait le temps de se rendre là, on se rendrait là au chapitre 28, on dirait, qu'est-ce qu'il dit à la fin du coin? Allez par toutes les nations. Là, ils vont agrandir leur rang. Ici, il leur dit, restez en Israël. Pour le moment, restez là. Je ne suis pas encore mort. Je veux que vous restiez à l'intérieur d'Israël. Il a limité leur champ d'action. À la fin, il dit, allez par toute la terre. Ça, c'est notre champ d'action. C'est votre champ d'action, c'est mon champ d'action. Mon champ d'action, ce n'est pas mon tremblant. Mon champ d'action, c'est la terre entière. Jésus a dit, allez par la terre entière. Allez, faites des disciples de partout dans le monde entier. Je ne dois pas juste me faire un focus sur mon petit monde à moi. Je dois aller plus loin que ça. Aller plus loin que ça. Et je suis content qu'en tant qu'Église, on comprend ça en partie du moins, et on va jusqu'en Pologne. On a un bras en Pologne, puis là on a un bras en Indonésie. Ils m'ont écrit cette semaine, Edwin, qui s'appelle Edwin Carver, puis nous remercier, tout à l'heure, je n'ai pas fait l'annonce, non? Puis nous remercier ensemble d'avoir donné 400$ pour les étudiants. Et il m'a répondu que 4 étudiants vont étudier tout le semestre avec les 400$. Il va nous envoyer des noms et des photos pour qu'on voit c'est qui va étudier. Et ces gars-là sont tentés d'étudier, ces filles-là, pour être dans le ministère à plein temps. Et tout à l'heure, on va avoir multiplié Edwin par 4, par 5, par 6. À cause de notre argent, de nos prières, il n'y aura plus juste Edwin et sa femme. Il va y avoir aussi 3-4 autres missionnaires qui vont aller dans l'Indonésie. On fait partie de ce travail-là. On fait partie de ce travail-là. Moi, je trouve ça fantastique. On participe là, à l'évangélisation mondiale de cette façon-là. Et donc, il limite. Et notre champ d'action à nous, c'est le monde entier. On ne peut pas arrêter et dire, « Ben moi, je m'occupe juste de mes petites affaires, puis c'est assez. » Au verset 7, il dit, « Allez, puis là, il va leur dire ce qu'ils doivent prêcher. » C'est important, là, hein? C'est important. « Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. » Le royaume de Dieu est proche. Il leur donne le message à dire. Dieu va venir régner, ça ne sera pas long, il est proche. Il s'en vient régner. Il s'en vient établir son royaume. Et je vous l'ai dit l'autre fois, pour nous autres, les qui vivons dans la démocratie, on ne comprend pas toujours l'implication de ça. Parce que si on nous disait demain matin, si on vous disait demain matin, à partir du 1er août, il va y avoir un roi qui va régner au Québec, ça changerait toutes nos vies. Ça changerait toutes nos vies. Puis je suis convaincu qu'il y a un paquet de Québécois qui se garocheraient dans les banques un peu partout pour cacher leurs argent, pour sortir, pour les mettre ça, pour pas être certain que personne ne va leur prendre leur argent, parce que c'est plus d'une démocratie. C'est une royauté. Puis ce roi-là, il a le droit de tout faire. Il a le droit de tout faire, ça changerait notre perception en bébé de ce qui se passe. Mais eux autres, ils disent, le royaume de Dieu est proche. Et vous savez, quand Pierre va prêcher, acte 2, vous avez tué le roi. Vous avez tué le Messie. Qu'est-ce que la réaction? Ils ont peur. Qu'est-ce qu'on va faire? Ils tremblent de peur. Dieu s'en vient, puis il va les tuer parce qu'ils ont tué le roi. Ils savent qu'est-ce que ça veut dire, eux autres. Et quand on s'en va dans le parpaing du monde, mes frères et sœurs, ne prêchez pas un évangile humain ou humaniste. Je vous en prie, ne prêchez pas un évangile humaniste. On ne prêche pas la venue du ciel pour les êtres humains, on prêche la venue du royaume de Dieu qui veut régner sur la terre, qui veut enlever le mal de la terre et établir son royaume pour être glorifié pour toute l'éternité. C'est ça que nous devons prêcher. Oh, comment j'entends d'hommes et de femmes à la télévision, sur Internet, ils prêchent un évangile humaniste. Dieu est là pour les servir, pour leur faire du bien, pour les aider dans leur vie, puis il va tout faire ça pour eux autres, puis là, là, là, là. Hey. C'est pas ça que je vois, en tout cas, moi. C'est pas ça que je vois. Si on comprendrait que nos problèmes sont tous réglés si on servirait Dieu, on arrêtait de le prier, de régler nos problèmes. On est toujours en train de prier qu'il règle nos problèmes. Quand le problème sera réglé, si on le servirait lui à la place, de se faire servir. Mais on a un peu de misère, n'est-ce pas? Mais il dit prêcher le royaume de Dieu. Pour nous, on ne prêche pas le royaume de Dieu, il est proche. On dit quoi? Le royaume de Dieu, il est arrivé maintenant. Il est arrivé. C'est fait. Jésus a établi le royaume de Dieu. C'est fait. Oh, on peut prêcher le retour du Seigneur qui va venir établir son royaume sur la terre, mais son royaume est déjà établi. C'est déjà fait. Jésus a pris place maintenant. Le roi règne sur son peuple. Il règne sur son peuple. Oh, il n'a pas fini de tuer tous ses ennemis. Il revient, qu'il dit, il revient un jour, et là, il va enlever de toute la terre ses ennemis. Il va les mettre dans un autre lieu qu'on appelle l'enfer, et maintenant, il va établir son nouveau ciel, une nouvelle terre, et avec son peuple, le seul peuple qui va avoir, il va être là sur ces nouveaux ciel, une nouvelle terre-là. Donc, faisons-le, prêchons le royaume de Dieu. Ensuite, il dit, verset 8 à 10, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni deux tuniques, ni souliers, ni bâtons, car l'ouvrier mérite son salaire. Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous s'il se trouve quelques hommes dignes de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'est pas digne, que votre paix retourne à vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville. Donc, première chose, une troisième chose qui dit, faites toutes choses gratuitement. Toutes choses gratuitement. Il dit, vous allez faire un paquet de choses et je veux que vous le fassiez gratuitement. Vous n'êtes pas là pour faire de l'argent. Et je vous dis, aujourd'hui, la religion est devenue une affaire d'argent. Et une grande partie des gens à qui j'ai témoigné depuis 30 ans me disent, l'argent, les religions, c'est un racket qui fait de l'argent. Vous avez déjà entendu ça probablement, hein? Ah, on ne va pas dans ce groupe-là, ils veulent avoir 10% de ton salaire. Ah, on ne va pas dans ce groupe-là, ils veulent avoir 20% de ton salaire. Ah, on ne va pas dans ce groupe-là, ils vont te demander de vendre ta maison. Les gens ont peur d'aller dans des mouvements religieux, de s'approcher de Dieu, parce qu'ils ont peur qu'on lui enlève leurs biens. On lui enlève leurs biens. Et Jésus a dit, faites-le gratuitement. Tout ce que vous faites, faites-le gratuitement. Vous n'êtes pas là en train de vouloir faire de l'argent. Ce n'est pas un gain. Vous vous souvenez que Simon le magicien, s'était converti, hein? Il avait fait profession de foi, il s'est fait baptiser. Puis finalement, quand Pierre est arrivé, qu'il a posé les mains, qu'il a reçu le Saint-Esprit, il dit, « Oh, moi aussi, je veux, comment je peux te donner? Comment tu veux? Je vais pas te payer. Donne-moi ce don-là. Donne-moi cette capacité-là. Je vais te donner 10 000 piastres si tu me donnes la capacité d'imposer les mains, moi aussi. » Et Pierre a dit que ton argent périsse avec toi. Tu ne fais pas partie de ce royaume-là. Il faisait ça pour de l'argent. Pour de l'argent. Méfions-nous de ça. Ce n'est pas une chose à faire. On n'est pas là pour nous. On n'est pas là pour recevoir quoi que ce soit. On est là pour donner. On est là pour donner. Prêcher l'Évangile, ça coûte de l'argent. C'est nous autres qui payons. C'est nous autres qui payons. On ne demande pas aux inconvertis de payer, c'est nous autres qui payons. C'est nous autres qui investissons de l'argent. Pour du temps, de l'argent, nos autos, parce qu'on va voir quelqu'un, on achète des bibles, on donne des bibles. C'est nous autres qui payons. Ça ne rapporte pas, ça coûte de l'argent, répandre l'Évangile. Ça coûte de l'argent, répandre l'Évangile. Ça coûte des milliards par année, répandre l'Évangile. L'Église investit ça, afin que l'Évangile se propage dans le monde entier. Versets 11 à 15, on a lu ensemble, il dit, « Faites-le poliment. » Faites-le poliment. Là, je vais vous dire pourquoi. Qu'est-ce qu'il dit? Si quelqu'un ne veut pas t'écouter, qu'est-ce qu'il dit de faire? Parle-y quand même. Mets un pied dans la porte. Puis il dit, « Écoute-moi, j'ai quelque chose à te dire. Tu veux pas venir? Viens pareil. Je te le dis, là, je veux que tu m'écoutes. Combien de fois j'ai entendu des gens me dire à moi, des chrétiens, avec une bonne intention, je sais que c'est une bonne intention, je l'ai faite aussi. Ah, oh, j'ai parlé du Seigneur, puis je commence à répondre, ah, oh, il est en colère. Pourquoi tu as parlé, c'est en colère. Pourquoi tu as parlé, ça ne veut pas l'entendre parler. La moitié du temps, on parle à des gens qui ne veulent pas l'entendre parler, puis on trouve ça dur, annoncer l'Évangile. Mais je comprends. Ils ne veulent pas l'entendre parler, puis on veut en parler pareil. Essayez d'avoir une balayeuse à quelqu'un qui n'en a pas besoin. Ça doit être pas facile. Les gens qui ne sentent pas le besoin de l'Évangile, faisons pas d'arnaque pour les pogner, là. Ici, qu'est-ce qu'il dit ici? Si tu vas quelque part et qu'il ne veut pas m'écouter parler, va-t'en là, mon Dieu. Continue à chercher les brebis. Moi et vous, là, on est à la recherche des brebis perdues. On est à la recherche des brebis que Dieu a appelées, que Dieu a choisies. Des fois, on va cogner à 100 portes avant. On va parler à 100 personnes, des fois à 200 personnes avant d'en trouver une que lui a choisie, que lui a appelée et que lui veut sauver. Et quand on la trouve, celle-là, je vous garantis qu'elle va dire oui. Elle va dire oui. Soyons polis. Soyons pas arrogants. Soyons pas arrogants. Ceux qui veulent l'entendre parler, parlez-en. Moi, je peux vous dire que depuis bien des années, il y a des gens qui sont venus me demander, parle-moi-en d'autre pour l'affaire. Non. Non, je n'en parle pas. Tu n'es pas intéressé. Tu veux juste me critiquer, tu veux juste me chialer. J'en parle pas parce que je sais qu'ils ne veulent pas m'entendre parler. C'est pour argumenter, c'est pour me défier, c'est pour me rire de moi. Je ne m'amuse pas avec ces gens-là. Les gens qui ne veulent pas m'entendre parler, laissons-les tranquilles. Ils ne sont pas sauvés, mais au moins ils ne seront pas en colère contre vous. Combien de gens, si vous alliez les voir après que vous avez parlé et que je leur demanderais qu'est-ce que vous pensez de cette personne-là, puis qu'ils me diraient la vérité, es-tu fatigué? Es-tu fatigué? S'il dit ça, là, c'est parce que tu étais fatigué. Tu étais fatigué? Pourquoi tu en parles quand elle ne veut pas en parler? Jésus n'a pas dit ça ici. Il n'a pas dit défoncer les portes, arracher les portes, rentrer malgré qu'ils ne veulent pas, faites-les écouter, mettez-vous sur les maisons, criez bien fort, jetez des pamphlets partout. Il faut qu'ils n'entendent parler. Jésus ne dit pas ça. Ils ne veulent pas entendre parler. Il dit, va-t'en ailleurs, mon chum. Tu vas en trouver ailleurs du monde qui sont intéressés. Tu vas en trouver. Pourquoi est-ce qu'on s'acharne? Pourquoi est-ce qu'on s'acharne? On travaille pour nous. Quand on réussit à en parler, là, on s'en vient. Hey, j'ai parlé à quelqu'un du Seigneur. Puis on est tellement heureux. On est heureux pour nous autres, l'autre est en colère au bout. Mais nous, on est heureux parce qu'on a parlé du Seigneur à quelqu'un. Parle comme ça. Ah, j'ai fait ma tâche du dimanche. J'ai fait ma tâche de la semaine. Même si le pasteur prêchait d'évangéliser, je l'ai fait au moins. Hein? Voyons donc. On ne cherche pas des galons, on ne cherche pas des médailles. Quand vous partez, si la personne t'a ouvert, elle va être de bonne humeur. Elle va être contente. Elle va peut-être qu'elle va se convertir. Elle va écouter. Puis elle va dire, bien, OK, j'ai entendu, j'ai compris. Elle peut prendre la décision de ne pas croire, mais elle a écouté. Vous avez fait un bon travail. Et le gars qui va venir après vous, ou la femme qui va venir après vous, l'autre chrétien, il va trouver un terrain peut-être un peu plus préparé pour parler du Seigneur aussi. Et du Seigneur aussi. Au verset 16, qu'est-ce qu'il dit au verset 16? Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde des hommes, car ils vous livreront aux tribunaux. Ils vous battront de verges dans leur synagogue. Vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs et devant les rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz, ce que vous aurez à dire vous sera donné à leur même, car ce n'est pas vous qui parlerez, car c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort, et le père à son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et le feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc ici, il dit l'autre chose qu'il va dire, soyez prudents. Quand vous dites à votre enfant, sois prudent, ça veut dire quoi? C'est qu'il y a du danger. Hein? Quand on dit ça à un enfant, sois prudent, hein? Il y a du danger. Donc, Jésus il dit à ses disciples, soyez prudents. Comme des serpents, doux comme des colombes, mais prudent comme un serpent. Vous remarquez qu'un serpent, quand il s'avance quand il se déplace, je veux dire, dans son monde à lui, on ne le voit presque pas passer. Il est prudent. Il se cache, il est en dessous des branches, il va s'en aller. C'est rare que vous allez voir un serpent au milieu d'une place qui n'est pas protégée. Il est prudent. Mais en même temps, il dit, soyez doux comme des colombes. Alors, il n'y a pas grand monde qui a peur des colombes, n'est-ce pas? Tu vois une colombe devant toi, tu vas dire, ah! Tu ne vas pas faire ça. Tu vas voir une colombe, tu vas trouver ça, c'est beau, c'est doux. Le son qu'elle fait, même, c'est doux. C'est pas peur des colombes. Donc, il dit, soyez prudents, mais soyez doux. Vous savez, la tendance qu'on a quand on a peur, c'est quoi? Moi, si tu me dis qu'il y a un lion dehors, je vais pouvoir sortir avec mon fusil. Non, moi, je vais rester dedans. Mais il faut que je sorte. Tu me dis de sortir, tu dis, vas-y, il y a un lion dehors. Tu vas dire, je vais amener mon fusil. Quand on se fait dire, c'est-à-dire, on dit, ils vont vous attaquer, ils vont vous faire mal. Ils vont vous mettre en prison, ils vont vous frapper, ils vont vous haïr. Wow! Qu'est-ce que ça fait comme impression? Qu'est-ce que ça fait comme impression? Mais soyez doux. Soyez doux. Ne vous vengez pas. Ne les attaquez pas en retour. Vous savez, l'histoire d'Église, on a eu une partie de l'histoire qui était très sombre, jusqu'à une des guerres religieuses, les guerres saintes, hein, les croisades, on tuait au nom de Jésus. On partait en guerre pour conquérir l'Angleterre au nom de Jésus. Tu sais, on a conquérir les Indes au nom de Jésus, on tuait du monde. Jésus dit non. Pas à mon nom, du moins. Il dit pas qu'il n'y a aucune guerre qui est valable, mais allez pas la faire à mon nom. Il dit, soyez prudents, parce qu'en dehors de vous, en dehors du monde, dans le monde dans lequel vous vivez, il y a des gens qui vont vouloir faire du mal. Ils vont vouloir faire du mal. Pas à cause de ce que vous faites, à cause de ce que vous êtes, puis à cause de ce qu'ils sont eux. Les autres sont les ténèbres, vous êtes la lumière, ils vont vous haïr. Tout à l'heure, je parlais de... Je ne veux pas qu'ils nous haïssent à cause de nos méthodes, à cause qu'on a été effrontés ou qu'on n'a pas été sages. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont nous aimer à 100%, ça. Ça veut dire qu'ils vont peut-être nous haïr, mais pour la bonne raison, à cause de l'Évangile, à cause de qui on représente. Jésus dit, ils vont vous traiter de la même manière qu'ils m'ont traité. Et moi, ils m'ont tué, ils m'ont mis sur une croix. Donc, ça se peut bien que si vous faites la même chose que moi, même si vous avez toute la compassion du monde, ça se peut bien qu'ils vous rejettent aussi. Ça se peut bien qu'ils vont vous haïr quand même. Mais ne vous vengez pas. Soyez doux comme des colombes. Soyez prudents. Mais il faut s'attendre à ça. Il faut s'attendre à ça. Je me souviens d'un vieux pasteur qui nous avait prêché, enseigné l'épître aux Éphésiens. Et dans un de nos cours à Montréal, puis quand il est arrivé dans Éphésiens 6, il dit, avez-vous déjà vu, vous autres, une armée qui sort, s'en va à la guerre, puis qui n'ont pas emmené leur armure, puis qui n'ont pas mis qui n'ont pas leur fusil avec eux autres, qui n'ont pas leurs affaires? Vous direz, mais les gars, allez vous habiller, allez vous préparer. Puis il dit, n'oubliez pas, les frères et sœurs, vous devez revêtir votre armure céleste. Hein? Éphésiens 6, il parle de ça. Le bouclier de la foi, toutes ces choses-là. Il dit, vous êtes en combat, vous êtes en guerre. N'oubliez pas de remettre votre armure. Vous devez avoir votre armure sur vous. Sortez jamais dans le monde sans votre armure. Revêtez-vous de cette armure-là, et là, allez dans le monde, vous allez être protégés. Soyez prudents, hein? Soyez prudents. Si vous sortez sans votre armure, vous êtes imprudents. Mais mettez votre armure et sortez. Restez pas chez vous, ferme pas la porte. Sors! Mais mets ton armure. Mets ton armure. Et vous remarquerez que c'est une armure souvent défensive et non pas offensive. On est là pour aller amener l'Évangile et non pas pour tuer le monde. Versets 17 et 18, il dit, mettez-vous en garde. Mettez-vous en garde. Et parce qu'on va vous haïr, vous voyez, quand vous lisez les Actes des Apôtres, vous allez voir que les chrétiens se mettent en garde. Les chrétiens se cachent, se gardent. Les chrétiens ne font pas leur réunion au milieu du centre-ville pour se faire tuer. On les voit se cacher, on les voit aller dans les petites places pour se faire une réunion. On voit Paul se sauver. Paul va s'enfuir la nuit parce qu'il ne veut pas se faire tuer. Il se protège. Les chrétiens, c'est rien de spirituel d'aller sur le bord de la grande rue et dire, ben, je sais qu'ils vont me tirer des tomates, je vais y aller pareil, puis ils vont me tirer des tomates pareil. Pas tout à fait ça qu'il est en train de dire ici. Il n'est pas en train de dire ça, là. Il faut être sage, il faut être prudent. Mais en même temps, il faut être capable d'y aller, mais le faire de la bonne façon. Mais il dit, mettez-vous en garde. Soyez sur vos gardes. Le diable va venir et il va vous attaquer. Vous savez, il y a des millions de façons de nous attaquer, chacun de nous. Il connaît vos points faibles, il connaît les miens aussi. Il va tout faire. Dans le coin, c'est quoi? Il va tout faire pour nous empêcher d'être des prédicateurs de l'Évangile. C'est ça qu'il parle ici. Hein? Parce qu'il veut les envoyer dans le monde, prêcher la bonne nouvelle, exprimer la compassion de Dieu. Qu'est-ce qui va arriver? Satan va faire tout ce qu'il peut pour nous empêcher d'aller faire ce travail-là. Si vous ne le faites pas, peut-être vous pouvez vous arrêter, poser la question, Satan m'a eu. Je ne sais pas comment il m'a eu, je ne le fais pas. Je devrais le faire, je devrais annoncer l'Évangile, je ne le fais pas. Donc Satan m'a eu à quelque part. Je ne le fais pas. Parce que Satan, ce qu'il veut, c'est que vous ne le fassiez pas. Donc si vous ne le faites pas, il a réussi. À sa méthode, à sa manière avec lui, il a fait, il vous a emmené dans un piège, vous avez tombé dans le piège, et vous ne parlez plus. Je ne vous dis pas combien de fois vous devez parler. Je ne vous dis pas comment vous devez parler. Ça, c'est votre affaire. Mais on est là pour parler, pour annoncer la bonne nouvelle aux gens autour de nous. La façon qu'on voudra. Mais il faut le faire. Versets 19 et 20. Je pense que je vais arrêter là. On finira ça la prochaine fois. Parce qu'il m'en reste plus qu'un, donc je n'aurai pas le temps de finir ce matin. Mais on est appelé ce matin. On va sortir de notre petit cocon ce matin, bien ensemble ici. On va s'en aller dans le monde, autour de nous. Et on va aller exprimer la compassion de Dieu, la compassion de Christ. On va partir avec la puissance. Vous avez assez de puissance, j'ai assez de puissance pour combattre le mal. Et même Dieu nous a dit, Jésus nous a dit, je vais me battre avec vous. Je vais me battre pour vous. Je vais gagner la guerre. C'est sûr qu'on va gagner parce qu'il dit, il a déterminé la fin avant le début. La fin, c'est quoi? L'Église gagne. Donc, on sait qu'on va gagner. Il ne faut pas avoir peur qu'on va perdre. On va gagner, c'est sûr. Donc, on part avec cette... J'écoutais un match de tennis hier soir, puis il disait, ça joue entre les deux oreilles. Le gars qui est là, qui s'arraquette, qui croit, celui qui croit le plus, qui va gagner, celui qui gagne, pas du temps. Parce qu'il sait qu'il va gagner. Le côté mental est tellement fort, tellement concentré, il a plus de chances que l'autre de gagner. Nous, sachant qu'on va gagner, sachant qu'on a le pouvoir en dedans de nous pour faire le travail, sachant qu'on a le message de vérité, ça devrait nous donner toute la facilité d'aller parler du Seigneur des gens autour de nous pour que d'autres puissent connaître la bonté de Dieu à leur égard. Prions ensemble. Notre Père du ciel, merci que tu veux bien nous employer. Merci que tu veux bien nous envoyer. Merci que tu veux bien faire de nous tes co-ouvriers. Nous savons que c'est toi qui bâtis. Tu l'as dit, je bâtirai mon Église. Mais c'est un privilège d'être avec toi et de bâtir avec toi. C'est un privilège d'être tes instruments. Seigneur, on reconnaît qu'il y a une partie de nous qu'on appelle la chair qui ne veut pas. Il y a une partie de nous qui était régénérée, une partie de nous qui est conduite par l'Esprit Saint, qui veut, qui désire faire connaître le nom de son Sauveur. Guide-nous aujourd'hui. Et on te demande, Seigneur, d'agir avant nous comme tu le fais, de continuer à convaincre le monde de péché, de jugement et de justice, afin que des gens puissent se convertir à toi. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Vous pouvez vous lever, on va chanter un dernier cantique, si vous voulez bien.